Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jocelyn Dailly. Salut. Tu vas bien ? Ouais, ça va super. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, j'ai une petite anecdote, une petite galère qui m'est arrivée il y a quelques années. En fait, j'ai joué pour un parc d'attractions pour le spectacle de fin d'année de l'entreprise. Ouais. Donc, il y avait une ambiance un petit peu, si tu veux, avec tous les salariés qui étaient là. La soirée a commencé à 20h avec du champagne, des filles déguisées en lapin. Ça annonce des belles choses. Ça annonce une belle chose. J'étais censé passer vers 22h et on me dit « tu vas passer vers minuit ». Oh là là. Ouais, je sens déjà le malaise arriver. Donc je monte sur scène à minuit, des gens m'annoncent en disant « ouais, vous l'avez vu à la télé alors que je n'ai jamais fait de télé ». Donc sur le démarrage, les gens étaient un petit peu déçus. Et donc j'attaque à minuit, et là en fait il n'y avait pas de chaise, hein. Toutes les personnes étaient debout, totalement sous. Il y a juste 10 personnes qui me regardent au premier rang, je commence à jouer, au bout de 15 minutes, il y a une personne qui arrive de la salle, elle se met devant la scène, elle me regarde, elle me dit fort, vraiment devant tout le monde, « Franchement Jocelyn, t'es nul, casse-toi, t'es nul !» Et le mec il se casse lui, alors qu'il voulait que je me casse moi. Il a changé d'avis, je sais pas. Exactement, il s'est dit, vaut mieux que je parte moi. Et moi, franchement, ça, c'est un petit peu gênant, tu vois, devant tout le monde. Ouais, mais bon, je continue mon show. Et à la fin du spectacle, je me dis, il faut absolument que je retrouve ce mec, tu vois. Et donc, je le cherche partout. À un moment, je lui tombe dessus et je lui dis, ouais, gros, je suis désolé, mais franchement, c'est pas sympa ce que t'as fait. Mais moi, je suis sur scène, je suis en train de galérer. Et là, tu m'insultes. Il me dit, ouais, mais bon, c'était pas terrible ce que tu faisais. Je lui dis, imagine, tu fais quoi comme métier, toi? Il me dit, bah moi je suis cuisinier. Je lui dis, bah c'est comme si toi un jour tu galères là, t'es en train de faire ton saumon, t'arrives pas. Et moi je débarque à côté de toi et je te dis, hey, mon pote t'es nul, vas-y casse-toi. Est-ce que ça te ferait plaisir? Et là bon. Là il a vu la vérité quoi. Et bah là franchement il change totalement, il me dit, ouais non, ouais, t'as raison, j'ai abusé, excuse-moi. Donc tu sais, moi je m'y attends pas. Ouais. Et là il m'enchaîne, il me dit, est-ce que t'as des flyers? Parce que si tu veux, je vais te faire un peu de pub. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment la dernière personne à qui je demanderais de me faire de la pub, tu vois. Oh, punaise. Donc voilà, mais bon, après, je suis reparti et j'ai vite oublié ça, quoi. Ah, bah écoute, des fois, il vaut mieux oublier ça et garder ça dans un coin de sa tête pour en faire une belle anecdote. Et puis bon, bah là, c'était le cas. Hein. Est-ce que tu penses qu'un jour, ce mec va venir voir ton spectacle? Je ne pense pas. Je pense que ce mec, avec tout l'alcool qu'il avait dans le sang, est déjà décédé depuis. Et en tout cas, j'imagine. Je ne lui souhaite pas, mais je l'invite avec plaisir à venir voir mon spectacle s'il le souhaite. D'accord. Donc, si tu te reconnais, le mec qui m'a traité de nul, eh ben, je t'invite à venir voir le nul. Eh ben, écoute, avec plaisir. Il verra l'évolution. Voilà, tu verras que je suis un peu moins nul. Donc merci beaucoup Jocelyn, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Jocelyn Dailly sur Facebook, sur Instagram, et voilà, je suis en tournée en ce moment un petit peu partout en France avec mes spectacles Sapiens, Inconscient et Expérience. Ok, mais avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bis à tous, même à toi là-bas.